Chapitre 19e. Septembre commençait à peine. Paris était vide. S'il existait un lieu que Paul et Nadia auraient eu raison de fuir, à coup sûr, c'était Paris. Tous deux avaient besoin de l'air pur et des sites calmants d'une nature tranquille. Mais tous deux, après s'être revus, éprouvaient sans se l'avouer un même sentiment, la terreur de la solitude, ou, pour mieux dire, du tête-à-tête. Hélas, pour eux commençait le rude apprentissage des plaies à cacher, des sourires à feindre, des rêveries suspectes à interrompre, l'incessante précaution d'éviter certains noms, certaines paroles qui amenaient un silence de mort après eux. Ils l'avaient compris dès leur première entrevue, et courageusement ils accomplissaient leur tâche. Dans chacun de ces deux nobles cœurs, une même pensée dominait les autres. À tout prix, je lui dois le bonheur. Quant à moi, qu'importe ? Aussi, entre eux, quel assaut de tendresse, de prévenance, de douceur, de sourire même. Et quand ils s'étaient quittés, quelle tristesse amère, chose plus cruelle encore, quelle lassitude. S'éloigner de Paris, comment l'eussent-ils osé ? Là, du moins, les convenances, les nécessités de la vie les séparaient pendant de longues heures. Ils pouvaient, à de fréquents intervalles, desserrer l'armure, déposer le masque étouffant. Mais le contact continuel, le tête-à-tête sans relâche au fond d'une vallée perdue du Tyrol, dans quelques villages ignorés de la côte comme autrefois. La seule pensée d'affronter cette épreuve les trouvait sans force. Et cependant il fallait à leurs poumons autre chose que l'air vicié des rues chaudes. Chaque jour, dans les sites pittoresques des environs de Paris, ils faisaient de longues promenades. Mais sur les pentes fraîches mourantes au bord du fleuve, sous les chênes majestueux de Saint-Germain, au flanc des coteaux verts de Marly, une pensée constante les suivait. Nadia ne cessait de revoir son incompréhensible défaillance. Paul, plus à plaindre encore, était obsédé par la vision douloureuse de deux femmes, l'une dont il fallait pardonner la demi-trahison, l'autre dont il fallait oublier la bonté touchante, le charme inaltéré, radieux. Et ces deux tâches, il le sentait bien, la première n'était pas la plus difficile. Lorsque parfois, attardés par le hasard de la promenade, les deux compagnons s'asseyaient pour dîner dans quelque auberge champêtre, Chérency retrouvait devant ses yeux la petite table de Panticosa. Ce premier repas de convalescent pris en face de Claire, dont les yeux noirs, illuminés de plaisir, suivaient chaque morceau porté aux lèvres de son malade. Instinctivement, il cherchait la gaieté contenue de la petite Marthe, attentive à ne pas fatiguer son grand ami, car il ne pouvait pas se figurer la mère sans la fille, et dans les rêves impossibles où trop souvent son cœur s'égarait, il ne les séparait point l'une de l'autre. Un jour, à Montmorency, la vue d'une jolie fillette chevauchant sur un âne le fit pâlir. Il chercha des yeux la vieille espagnole, le brama torero et surtout une jeune femme brune à la taille élancée, au sourire tantôt si doux, tantôt si triste. Tous, hélas, ils étaient loin. Le hasard, éternellement jeune et sans pitié dans ses espiègleries sanglantes, n'épargnait pas non plus à la pauvre Nadia les coups de sa fronde. Il arriva qu'en traversant une prairie dans les parages de Louveciennes, ils aperçurent un escadron de poulains qui broutait l'herbe au milieu d'une vaste enceinte. Madame Fresnel avait toujours aimé les chevaux. Elle voulut savoir le nom du propriétaire du haras. « Vous voyez, lui répondit un faucheur qui coupait le regain, l'établissement de course du vicomte de Saint-Riol. » Ce nom, si peu attendu, produisit sur Nadia l'effet qu'on devine. Elle se souvint, rien que pour avoir entendu ce nom prononcé par elle, un homme néfaste avait disparu de sa vie. Mais elle se souvint aussi qu'elle s'était jurée d'apprendre à Chérency comment, par l'aide de qui, Roxervière avait été mis en fuite. Alors, avec son éternel désir d'être très franche et de ne s'en faire accroire en rien, elle raconta toute l'histoire de Saint-Jean-de-Luz et l'étrange intervention de Claire. À sa grande surprise, Paul n'eut pas l'air étonné, mais pour la première fois, il fit preuve d'une apparence de sévérité envers Madame de Chalonne. « Je connaissais l'aventure, dit-il, et n'estimant pas qu'elle fût glorieuse pour personne, je l'avais gardée dans mes archives. Les secrets qui touchent à l'honneur d'une femme devraient être sacrés pour tout le monde, pour une autre femme surtout. » « Voilà, pensa la pauvre pénitente, ce que Claire gagne à son dévouement et ce que je gagne à ma franchise. Ah, décidément, le silence vaut mieux pour nous tous. » Quelque temps après, lisant un journal à haute voix, talent de société qu'il ne pratiquait pas jadis, Paul tomba sur un récit d'accident de chasse en Poitou, dans les propriétés du même vicomte de Saint-Riol. Un invité de l'opulent châtelain, le marquis de Roxervière avait reçu dans le côté la charge du fusil du vicomte. Là-dessus, disait le journal, grand émoi parmi les chasseurs, profond désespoir chez l'auteur de l'accident. Heureusement, le coup avait porté sur une poche où se trouvaient des papiers en liasse épaisse. La blessure, à moins de complications, n'offrait pas de danger sérieux. Maladroit, gronda Paul en haussant les épaules. Nadia devint pâle comme une morte et fondit en larmes. « Voilà un beau motif de pleurer, » dit Chérency en se contraignant pour rester calme. « Tous les ans, nous voyons des braconniers tuer des gardes. Cette fois, c'est le braconnier qui a reçu le coup de fusil. »« Ah !» répondit Nadia tout en s'essuyant les yeux. « Ce n'est pas le coup de fusil qui me fait pleurer, c'est la parole que vous avez dite. Nous en sommes donc encore là. » Elle écrivait à sa cousine le même soir. « Tu as lu cette horrible histoire d'accident de chasse. Elle m'a bouleversé à ce point que je viens de me dégonfler avec toi. Silencieuse amie, j'ai besoin de crier à quelqu'un que je maudis ce dérangement du cerveau humain qu'on nomme l'amour. Je maudis notre sexe, qui, depuis la première femme, sème le mal autour de lui. Un gentilhomme trompe lâchement son ami. Le gentilhomme trompé, froidement, assassine. Un troisième lit l'affreux récit en ma présence et sais-tu quelle exclamation lui échappe, maladroit. Voilà tout ce que sa conscience lui suggère, parce que le désir de la vengeance le ronge, lui aussi. Et voilà le cœur ulcéré, meurtri, toujours saignant, sur lequel, pour la vie, je vais appuyer ma tête. Je te jure que je serais déjà loin de ce monde odieux si je suivais mon envie. Ma pauvre Claire, si tu savais comme je suis malheureuse, si tu savais comme je pleure quand je suis seule, comme je pleure à cette minute même où je t'écris, ah, je le sens, tout est fini. Ton bonheur ici-bas est mort pour moi, non qu'il ne m'aime encore. Lui, l'être noble et généreux malgré tout, cette rancune même est une preuve que l'amour persiste, mais moi, quelque chose est brisé dans ma personne misérable. Je ne m'estime plus, je n'ai plus confiance en moi-même, je ne vibre plus à aucun souffle. Mon Dieu, où sont-ils mes enthousiasmes d'autrefois? Mon aberration d'une minute m'apparaît dans sa réalité navrante, le charme est rompu. Mais tu seras seul à savoir ma souffrance. Je me dois à Paul et je paierai ma dette, puisqu'il la réclame. Il aura, je le jure, la plus dévouée, la plus fidèle des femmes. Ah, fidèle, ce ne sera pas malaisé maintenant. Quand les ailes de l'oiseau pendent mutilées, on peut sans crainte laisser la cage ouverte. Cependant, les feuilles commençaient à jaunir. Les jours étaient moins beaux. Les promenades devenaient plus rares et plus courtes. Avec le même héroïsme réciproquement ignoré, Paul et Nadia continuaient la tâche douloureuse de se tromper l'un l'autre. Si la religion du sacrifice humain, comme l'autre, avait ses martyrs et ses saints, les deux êtres dont je compte la torture eussent mérité des autels. Rien admis, telle était leur devise, devise fatale ou glorieuse. Elle condamne souvent ceux qui la portent écrite au front à mourir jeune, pour avoir trop joui ou pour avoir trop souffert. Depuis longtemps, Madame de Chalonne était de retour à la Pré, et sa noire tristesse, de jour en jour plus évidente, frappait tout le monde. Jamais, depuis les premiers jours de son veuvage, elle n'avait paru plus accablée. Au commencement de janvier, elle reçut une lettre qui n'était pas pour rendre le repos à son âme. Chérency lui écrivait « Demain expire la première année du deuil de votre cousine. J'ai voulu attendre ce jour-là pour lui dire et pour entendre d'elle les mots qui nous lieront à tout jamais. Demain, je ne m'appartiendrai plus. » Mais aujourd'hui, rigoureusement, je m'appartiens encore. J'ai pour 24 heures le droit de penser, de me souvenir, de parler. À quoi cela sert-il, direz-vous? Évidemment à rien. Cependant, ceux-mêmes qui vont mourir éprouvent le besoin de laisser la trace de la pensée dernière qui s'est agitée dans leur âme. Elle se résume pour moi dans un désir, être certain que je vous laisse contente de moi. Seulement cela. Je devrais peut-être vous remercier, de nouveau de ce que vous avez franchi l'aimant pour me sauver la vie. Excusez-moi, madame, je ne vous en remercie pas. Vous m'avez guéri, mais vous m'avez fait payer cher ma guérison. Vous m'avez laissé faire seul cette veillée funèbre qui a précédé mon départ. Vous m'avez laissé fuir Panticosa sans abandonner une dernière fois votre main à mes lèvres. Panticosa, le même nom peut-il apporter tant de douceur à l'oreille, tant d'amertume au cœur? comme la femme du sonnet que vous m'avez fait répéter deux fois un certain jour. Vous allez votre chemin sans entendre ce qu'il ne faut pas entendre, sans voir ce que vous ne devez pas voir. Venu pour guérir un malade, au lieu et place d'une absente, vous avez disparu, l'œuvre accomplie. Tant pis pour le malade s'il emporte avec lui le germe d'un autre mal plus incurable. Vous souvient-il de notre déjeuner sur le gazon, le jour de votre fête, et des roses de Marthe, la surprise, cachée dans le papier qui les cachait si mal? Il ne fallait pas les apercevoir et vous ne les avez pas aperçues. Vous n'avez pas demandé pour qui ces fleurs. Et quand elles ont apparu, quel étonnement bien joué. La Penticosa aussi, des fleurs se cachaient pas beaucoup mieux, tout près de votre main. Pauvres fleurs écloses dans la tristesse. Mon dernier acte d'homme libre, d'homme qui peut parler encore aujourd'hui, est de vous dire, les fleurs étaient pour vous. Gardez-les, madame. Ce sont les dernières qui s'épanouiront dans ma vie. Maintenant, adieu. Je vais sceller mon sort. Je vais me donner, puisqu'on persiste à vouloir de moi. Don misérable. Mais l'abandon serait pire encore. Et puis, vous ne seriez pas contente, vous, la loyauté incarnée. Tandis qu'à ce prix, j'aurai toujours votre estime. Et je verrai de loin votre sourire si pur, si sévère parfois, et pourtant le plus doux que j'ai connu sur les lèvres d'une femme. Adieu. Mettez un baiser au front de Marthe et dites-lui que je l'adore. Je laisse flotter entre nous deux l'éternel écho de cette parole suprême. Cher Ancy. Ah, les malheureux, s'écria Claire après avoir lu cette lettre. Elle resta seule plusieurs heures, enfermée chez elle, permettant à son chagrin de parler à l'aise. De jour en jour, elle savourait davantage la triste joie de souffrir librement. Elle se grisait de cette médecine amère, comme d'autres femmes piquent leurs veines avec le poison qui endort. Elle avait fait avec sa conscience un marché qui la calmait. N'avait-elle pas le droit d'aimer Paul, puisqu'il devait l'accuser toute sa vie de froideur et de cruauté? Chaque élan de son cœur était payé d'une larme. Qui pourrait faire autre chose que l'en plaindre? On dirait que certaines pensées envahissent l'air à la façon d'un parfum subtil. Claire n'avait point parlé à sa fille de la lettre qu'elle avait reçue, moins encore de ce qu'elle avait éprouvé en la lisant. Pourquoi, ce soir-là, seule avec sa mère, qui assistait toujours à sa toilette de nuit, l'enfant se mit-elle à faire mille questions sur Chérency? Oh, mère, comme elles vous font baisser la tête quelquefois, ces questions enfantines! Comme il y en a parmi vous qui les fuient misérablement ou qui les détournent avec rudesse! Entre Madame de Chalonne et sa fille, cette honte n'existait pas, et Marthe eut libre carrière pour bavarder à son aise. Pendant une heure, Claire fut heureuse. Heureuse entre les deux êtres les plus chers qu'elle eût au monde, l'un dont elle tenait la main, l'autre dont le nom caressait doucement son oreille. Elle était heureuse sans remords, car elle croyait sentir un amour dominer tous les autres dans son cœur, l'amour de sa fille. À la fin, Marthe se fatigua de parler. Sa jolie tête brune s'enfonça dans l'oreiller, plus pesante. Pendant quelques minutes, la mère attendit, trouvant cette fois que le sommeil venait un peu trop vite. Soudain, la fillette ouvrit les yeux. « Maman, je voulais vous demander une chose. Que diriez-vous si j'essayais, en m'impliquant bien, d'écrire demain une lettre à M. Paul? Vous corrigerez mes fautes. » « Tu peux essayer, » répondit Mme de Chalonne en mettant un baiser sur le front de sa fille. « Maintenant, dors, mon ange aimé. » Le surlendemain, Paul reçut la prose de sa jeune amie, quatre grandes pages. Marthe écrivait une ligne sur sa mère, quatre sur elle-même, le reste sur Bramatuero. Claire s'était fait un cas de conscience de s'abstenir de toute collaboration. À peine pouvait-on voir la trace de sa main, à quelques terminaisons redoutables de participes, ratures précieuses que Chérency étudia avec un zèle de paléographe. « Enfin, conclut Marthe, c'est Bramatuero qui vous a remplacé. 20 fois par jour, je lui demande « Où est Monsieur Paul ?» Aussitôt, il aboie et remue la queue. Maman le caresse alors et dit qu'elle n'a jamais vu mémoire pareille chez un chien. Dieu sait que cette missive enfantine ne contenait aucun mystère, et cependant, Paul ne la fit point voir à Nadia, quand il vint chez elle peu d'heures après l'avoir reçue. Il arrivait, ayant décidé qu'il ne se quitterait point sans que leurs paroles formelles fussent échangées et les derniers arrangements pris. Mais tout en entrant dans le salon de Nadia, il s'aperçut qu'elle était dans un abattement extraordinaire. « Qu'avez-vous, cher ami ? » demanda-t-il. Sans rien répondre, elle tendit un journal où se lisait encore une fois un nom qu'elle semblait condamnée, qu'elle était condamnée en effet à n'oublier jamais. Roquesservière était mort. La blessure due à l'imprudence du vicomte était plus grave qu'on ne l'avait cru d'abord. Un poumon avait été compromis, et l'hiver approchant, les médecins avaient conseillé le séjour de Cannes. Mais au lieu de se rétablir, le blessé était allé s'affaiblissant de plus en plus. La toux mortelle avait pris le dessus, et le bel Edmond avait rendu l'âme, emportant, du moins le reporter, prenait sur lui de l'affirmer, les regrets unanimes de tous ceux qui l'avaient connu. Apparemment, il fallait en rabattre, car après avoir parcouru la notice funèbre, Paul fronça les sourcils, et le regard perdu dans le vide, oubliant qu'il n'était pas seul, il murmura « Pas si maladroit déjà, Saint-Riol. Oh mon Dieu, il ne pardonne même pas aux morts, » gémit Nadia. Chérency ne put s'empêcher de frémir à ce reproche. « Oubliez cette indigne parole, » dit-il, soudain rappelé à lui-même. « Écoutez-moi, Nadia, aujourd'hui, votre année de veuvage est terminée. Cette heure est celle que j'attendais pour vous demander d'être ma femme. » J'entrais ici, je vous le jure, avec cette parole sur les lèvres. Hélas, pauvre ami, nous redevenons tous plus ou moins sauvages, nous autres, quand il s'agit de la femme qui est à nous, qui va être à nous. Ah, tenez, je ne puis m'empêcher de croire que ce journal nous apporte un présage heureux. Peut-être me suis-je montré barbare dans ma joie, mais j'ai tant souffert, je souffrais tant de penser qu'un autre me vivait, qui vous a entendu dire « Par pitié !» Interrompit Nadia, n'ajoutez rien de plus. Et puisqu'il fallait la mort d'un homme pour vous rendre le bonheur possible, eh bien, soyez heureux. Pour moi, jusqu'à la dernière de mes heures ou des vôtres, je vous donnerai tout ce qu'il y a de meilleur en moi, mon cher Paul. Il ouvrit ses bras sans répondre, et la nouvelle fiancée fut saisie au cœur d'éprouver une impression de froid sous le baiser qu'elle recevait. Quoi d'étonnant, pensa-t-elle. Nous échangeons notre foi en présence d'un cercueil. Ah, rêve d'autrefois, où êtes-vous ?